résurrection qui vient. Chacun cherche, chacune, avant tout le reste, comment chacun a besoin de se rassurer, réassurance, réassure. Pas couvert pour ce genre de risque. Avoir peur, comment continuer à créer? Dans la tornade, la diagonale, de plus en plus improbable, diagonale. We'll be right back. plus nécessaire d'être conscient. Somebody to love. Thank you. c'est la puissance. Du volcan, le jour va se lever. Je vais aller me coucher. About to stop, about to create. Thank you. Thank you.